improvisation. Thank you.

voyais plus tes pieds. Je rêvais, réalité. Food. De l'imagination Human Condition, The Power of the Conscience. We imagine, we feel, we imagine. Rivers down in the down in the deep rain. Thinking about the truth. master. No God. Brothers, sisters, show me the way. Show me the way. No need to wait. No, even de l'infini. Dont on est considéré les humains, ça dépend vraiment human condition. Knowledge. Position plus ou moins extrême. Sur l'échiquier géopolitique, planète, position. Géopolitique des câbles. les internets. Present door.